Je sais pas trop quoi te dire. Je suis maladroit, mal à l'aise. Je sais pas pourquoi j'insiste. Dans un instant, tu vas t'enfuir. Et devant moi, un espace libre, une défaite, un vide. Il n'y a pas que toi. Il y a elle avec ses perles qui roulent sur son cou. Elle attend le prochain bus où que j'aille en enfer. Et devant moi, un espace libre, une défaite, un vide. Il n'y a pas qu'elle. Il y a Madeleine qui crève mon écran. Mais quand je lui parle, elle n'entend pas. Et devant moi, un espace libre, une défaite, un vide. Il n'y a pas que Madeleine. Il y a moi dans le salon avec ma vie toute petite. Moi dans ce salon à essayer de voir au-delà de cet immense espace libre, de ces défaites, de ce vide. N'y aura-t-il que moi?